Première journée, chapitre 3. À Poitiers, dès que le train se fut arrêté, sœur Hyacinthe se hâta de descendre, au milieu de la cohue des hommes d'équipe qui ouvraient les portières et des pèlerins qui se précipitaient. « Attendez, attendez » répétait-elle. « Laissez-moi passer la première, je veux voir si tout est fini !» Puis, lorsqu'elle fut remontée dans l'autre compartiment, elle souleva la tête de l'homme, crut d'abord en effet qu'il avait passé, en le voyant si blême et les yeux vides. Mais elle sentit un petit souffle. « Non, non, il respire! Vite, il faut se dépêcher !» Et se tournant vers l'autre sœur, celle qui était à ce bout du wagon, « Je vous en prie, sœur Claire des Anges, courez chercher le père Mathias, qui doit être dans la troisième ou la quatrième voiture. Dites-lui que nous avons un malade en grand danger et qu'il apporte tout de suite les saintes huiles. » Sans répondre, la sœur disparut parmi la bousculade. Elle était petite, fine et douce, l'air recueilli, avec des yeux de mystère, très active pourtant. Pierre, qui suivait la scène, debout dans l'autre compartiment, se permit une réflexion. « Et si l'on allait aussi chercher le médecin ?»« Sans doute, j'y songeais, » répondit sœur Hyacinthe. « Oh, monsieur l'abbé, que vous seriez gentil d'y courir vous-même !» Justement, Pierre se proposait d'aller au fourgon de la cantine demander un bouillon pour Marie. Soulagée un peu depuis qu'elle n'était plus secouée, la malade avait rouvert les yeux et s'était fait asseoir par son père. Elle aurait bien voulu qu'on la descendît un instant sur le quai, dans son ardente soif d'air pur. Mais elle sentit que ce serait trop demandé, qu'on aurait trop de peine pour la remonter ensuite. Monsieur de Guersin, qui avait déjeuné dans le train, ainsi que la plupart des pèlerins et des malades, demeura sur le trottoir, près de la portière ouverte, à fumer une cigarette, pendant que Pierre courait au fourgon de la cantine, où se trouvait également le médecin de service, avec une petite pharmacie. Dans le wagon, d'autres malades aussi restèrent, qu'on ne pouvait songer à remuer. La grivotte étouffait et délirait, et elle retint même Madame de Jonquière, qui avait donné rendez-vous au buffet à sa fille Raymonde, à Madame Volmar et à Madame des Agneaux, pour y déjeuner toutes les quatre. Comment laisser seule, sur la dure banquette, cette malheureuse qu'on aurait crue à l'agonie? Marthe non plus n'avait pas bougé, ne quittant pas son frère, le missionnaire, dont la plainte faible continuait. Cloué à sa place, Monsieur Sabatier attendait Madame Sabatier, qui était allée lui chercher une grappe de raisin. Les autres, ceux qui marchaient, venaient de se bousculer pour descendre, ayant la hâte de fuir un moment ce wagon de cauchemar, où leurs membres s'engourdissaient depuis 7 grandes heures déjà qu'on était parti. Madame Maz, tout de suite, s'écarta, gagna l'un des bouts déserts de la gare, égarant là sa mélancolie. Hébétée de souffrance, Madame Vêtue, après avoir eu la force de faire quelques pas, se laissa tomber sur un banc, au grand soleil, dont elle ne sentait pas la brûlure. Pendant qu'Élise Rouquet, qui s'était remailloté la face dans son fichu noir, cherchait partout une fontaine, dévorée d'un désir d'eau fraîche. À pas ralenti, Madame Vincent promenait sur ses bras sa petite rose, tâchant de lui sourire, de l'égayer en lui montrant des images violemment coloriées que l'enfant, grave, regardait sans voir. Cependant, Pierre avait toutes les peines du monde à se frayer un chemin au milieu de la foule qui noyait le quai. C'était inimaginable, le flot vivant, les éclopés et les gens valides que le train avait vidé là. Plus de 800 personnes qui couraient, s'agitaient, s'étouffaient. Chaque wagon avait lâché sa misère, ainsi qu'une salle d'hôpital qu'on évacue. Et l'on jugeait quelle somme effrayante de maux transportait ce terrible train blanc, qui finissait par avoir, sur son passage, une légende d'effroi. Des infirmes se traînaient, d'autres étaient portés, beaucoup restaient en tas sur le trottoir. Il y avait des poussées brusques, de violents appels, une hâte éperdue vers le buffet et la buvette. Chacun se pressait, allait à son affaire. C'était si court, cet arrêt d'une demi-heure, le seul qu'on dut avoir avant Lourdes. Et l'unique gaieté, au milieu des soutanes noires, des pauvres gens en vêtements usés, sans couleur précise, était la blancheur riante des petites sœurs de l'Assomption, toutes blanches et actives, avec leurs cornettes, leurs guimpes et leurs tabliers de neige. Lorsque, enfin, Pierre arriva au fourgon de la cantine, vers le milieu du train, il le trouva déjà assiégé. Un fourneau à pétrole était là, ainsi que toute une petite batterie de cuisine, sommaire. Le bouillon, fait avec des jus concentrés, chauffait dans des bassines de fer battu. Et le lait réduit, en boîte d'un litre, n'était délayé et utilisé qu'au fur et à mesure des besoins. Quelques autres provisions occupaient une sorte d'armoire, des biscuits, des fruits, du chocolat. Mais devant les mains avides qui se tendaient, la sœur Saint-François, chargée du service, une femme de 45 ans, courte et grasse, à bonne figure fraîche, perdait un peu la tête. Elle dut continuer sa distribution en écoutant Pierre qui appelait le médecin, installé dans un autre compartiment du fourgon avec sa pharmacie de voyage. Puis, comme le jeune prêtre donnait des explications, parlait du malheureux qui se mourait, elle se fit remplacer, elle voulut aller le voir, elle aussi. « Ma sœur, c'est que je venais vous demander un bouillon pour une malade. »« Eh bien, monsieur l'abbé, je vais le porter et marcher devant. » Ils se dépêchèrent, les deux hommes échangeant des questions et des réponses rapides, suivis par la sœur Saint-François qui portait le bol de bouillon, pleine de prudence au milieu des coudoiements de la foule. Le médecin était un garçon brun d'environ 28 ans, robuste, très beau, avec une tête de jeune empereur romain, comme il en pousse encore aux champs brûlés de Provence. Dès que sœur Hyacinthe l'aperçut, elle eut une surprise, une exclamation. « Comment, c'est vous, monsieur Ferrand ?» Tous deux restaient ébahis de la rencontre. Les sœurs de l'Assomption ont la mission brave de soigner les malades, uniquement les malades pauvres, ceux qui ne peuvent payer, qui agonisent dans les mansardes. Et elles passent ainsi leur existence avec les indigents, s'établissent près du grabat dans l'étroite pièce, donnent les soins les plus intimes, font la cuisine, le ménage, vivent là en servante et en parente, jusqu'à la guérison ou jusqu'à la mort. C'était de la sorte que sœur Hyacinthe, si jeune, avec son visage de lait où ses yeux bleus riaient sans cesse, s'installa un jour chez ce garçon, alors étudiant, en proie à une fièvre typhoïde, et d'une telle pauvreté qu'il habitait rue du Four une espèce de grenier en haut d'une échelle sous les toits. Elle ne l'avait plus quitté, l'avait sauvé avec sa passion de ne vivre que pour les autres, en fille trouvée autrefois à la porte d'une église, n'ayant d'autre famille que celle des souffrants, à qui elle se vouait de tout son brûlant besoin d'aimer. Et quel mois adorable, quelle exquise camaraderie ensuite, dans cette pure fraternité de la souffrance. Quand il l'appelait « ma sœur », c'était vraiment à sa sœur qu'il parlait. Elle était une mère aussi, le levait, le couchait comme son enfant, sans que rien autre chose grandît entre eux qu'une pitié suprême, le divin attendrissement de la charité. Toujours elle se montrait gaie, sans sexe, sans autre instinct que de soulager et de consoler. Et lui l'adorait, la vénérait, et il avait gardé d'elle le plus chaste et le plus passionné des souvenirs. « Oh, sœur Hyacinthe, sœur Hyacinthe !» murmura-t-il ravi. Un hasard seul les remettait face à face, car Ferrand n'était pas un croyant, et s'il se trouvait là, c'était qu'à la dernière minute, il avait bien voulu remplacer un ami, brusquement empêché de partir. Depuis une année bientôt, il était interne à la pitié. Ce voyage à Lourdes, dans des conditions si particulières, l'intéressait. Mais la joie de se revoir leur faisait oublier l'homme. Et la sœur se reprit. « Voyez donc, monsieur Ferrand, c'est pour ce pauvre homme. Nous l'avons cru mort un instant. » Depuis Amboise, il nous donne bien des craintes, et je viens d'envoyer chercher les saintes huiles. Est-ce que vous le trouvez si bas? Est-ce que vous ne pourriez pas le ranimer un peu ?» Déjà, le jeune médecin l'examinait, et les autres malades, restés dans le wagon, se passionnèrent, regardèrent. Marie, à qui la sœur Saint-François avait donné le bol de bouillon, le tenait d'une main si vacillante que Pierre dut le prendre et essayer de la faire boire. Mais elle ne pouvait avaler. Elle n'acheva pas le bouillon, les yeux fixés sur l'homme, attendant, comme s'il se fût agi de sa propre existence. « Dites !» demanda de nouveau sœur Hyacinthe. « Comment le trouvez-vous? Quelle maladie a-t-il ?»« Oh, quelle maladie !» murmura Ferrand. « Il les a toutes !» Puis il tira une petite fiole de sa poche, essaya d'introduire quelques gouttes à travers les dents serrées du malade. Celui-ci poussa un soupir, souleva les paupières, les laissa retomber, et ce fut tout. Il ne donna pas d'autre signe de vie. Sœur Hyacinthe, si calme d'habitude, qui ne désespérait jamais, eut une impatience. « Mais c'est terrible ! Et sœur Claire des Anges qui ne reparaît pas ! Je lui ai pourtant bien indiqué le wagon du père Mathias. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir ?» Voyant qu'elle ne pouvait être utile, sœur Saint-François allait retourner au fourgon. Auparavant, elle demanda si l'homme, peut-être, ne se mourait pas de faim, tout simplement, car cela arrivait, et elle n'était venue que pour offrir ses provisions. Puis, comme elle partait, elle promit, dans le cas où elle rencontrerait sœur Claire des Anges, de la faire se hâter. Et elle n'était pas à 20 mètres qu'elle se retourna, en montrant d'un grand geste la sœur qui revenait seule de sa marche discrète et menue. Penchée à la portière, sœur Hyacinthe multipliait les appels. « Arrivez donc ! Arrivez donc ! Eh bien, et le père Mathias ? Il n'est pas là ! Comment il n'est pas là ? Non, j'ai eu beau me presser, on ne peut pas avancer vite parmi tout ce monde. Lorsque je suis arrivée au wagon, le père Mathias était déjà descendu et sorti de la gare, sans doute. » Elle expliqua que le père, selon ce qu'on racontait, devait avoir un rendez-vous avec le curé de Sainte-Radegonde. Les autres années, le pèlerinage national s'arrêtait pendant 24 heures. On mettait les malades à l'hôpital de la ville, on se rendait à Sainte-Radegonde en procession. Mais cette année-là, un obstacle s'était produit, le train allait filer droit sur Lourdes. Et le père était sûrement par là, avec le curé, causant, ayant quelque affaire ensemble. « On m'a bien promis de faire la commission, de l'envoyer ici avec les saintes huiles, dès qu'on le retrouvera. » C'était un véritable désastre pour sœur Hyacinthe. Puisque la science ne pouvait rien, peut-être les saintes huiles auraient-elles soulagé le malade. Souvent, elle avait vu cela. « Oh, ma sœur, que j'ai de la peine. Vous ne savez pas, si vous étiez bien gentille, vous retourneriez là-bas, vous guetteriez le père, de façon à me l'amener dès qu'il paraîtra. » « Oui, ma sœur, » répondit docilement sœur Claire des Anges, qui repartit de son air grave et mystérieux, en se glissant parmi la foule, avec une souplesse d'ombre. Ferrand regardait toujours l'homme, désolé de ne pouvoir faire à sœur Hyacinthe le plaisir de le ranimer. Et comme il avait un geste d'impuissance, elle le supplia encore. « Monsieur Ferrand, restez avec moi, attendez que le père soit venu, je serai un peu plus tranquille. » Il resta, il l'aida à remonter l'homme qui glissait sur la banquette. Puis, elle prit un linge et lui essuya la face, qui se couvrait continuellement d'une épaisse sueur. Et l'attente se prolongea, au milieu du malaise des malades demeurés dans le wagon, et de la curiosité des gens du dehors qui commençaient à s'attrouper. Une jeune fille, vivement, écarta la foule, et, montant sur le marchepied, elle interpella Madame de Jonquière. « Quoi donc, maman ? Ces dames t'attendent au buffet ?» C'était Raymonde de Jonquière, un peu mûre déjà pour ses 25 ans sonnés, qui ressemblait à sa mère étonnamment. Très brune, avec son effort, sa bouche grande, sa figure grasse et agréable. « Mais mon enfant, tu le vois, je ne puis pas quitter cette pauvre femme !» et elle montrait la grivotte, prise maintenant d'un accès de toux, qui la secouait affreusement. « Oh, maman, est-ce fâcheux ? Madame des Agneaux et Madame Volmar qui se faisaient une fête de ce petit déjeuner à nous quatre !»« Que veux-tu, ma pauvre enfant ? Commencez toujours sans moi ! Dis à ces dames que, dès que je le pourrai, je m'échapperai pour les rejoindre !» Puis, ayant une idée, « Attends, il y a là le médecin, je vais tâcher de lui confier ma malade. Va-t'en, je te suis. Et tu sais que je meurs de faim. » Raymonde retourna lestement au buffet, tandis que Madame de Jonquière suppliait Ferrand de monter près d'elle pour voir s'il ne pourrait pas soulager la grivotte. Déjà, sur le désir de Marthe, il avait examiné le frère Isidore, dont la plainte ne cessait point, et il avait dit de nouveau son impuissance d'un geste navré. Il s'empressa pourtant, souleva la phtisique qu'il voulut asseoir, espérant arrêter la toux, qui en effet cessa peu à peu. Ensuite, il aida la dame hospitalière à lui faire avaler une gorgée de potion calmante. Dans le wagon, la présence du médecin continuait à remuer les malades. Monsieur Sabatier, qui mangeait lentement la grappe de raisin que sa femme était allée lui chercher, ne le questionnait pas, connaissant à l'avance sa réponse. Là, d'avoir consulté, comme il disait, tous les princes de la science. Mais il n'en éprouvait pas moins un bien-être à le voir remettre debout cette pauvre fille dont le voisinage le gênait. Et Marie elle-même le regardait faire avec un intérêt croissant, tout en osant l'appeler pour elle-même, certaine, elle aussi, qu'il ne pouvait rien. Sur le quai, la bousculade augmentait. On n'avait plus qu'un quart d'heure. Comme insensible, les yeux ouverts et ne voyant rien, Madame Vêtu endormait son mal sous la brûlure du grand soleil. Pendant que devant elle, du même pas berceur, Madame Vincent promenait toujours sa petite rose, d'un poids si léger d'oiseau malade qu'elle ne la sentait pas sur ses bras. Beaucoup de gens couraient à la fontaine remplir des brocs, des bidons, des bouteilles. Madame Maz, très soigneuse et délicate, eut l'idée d'aller s'y laver les mains. Mais, comme elle arrivait, elle y trouva Élise Rouquet en train de boire. Elle recula devant le monstre, cette tête de chien au museau rongé qui tendait la fente oblique de sa plaie, la langue sortie et lapant, et c'était, chez tous, le même frémissement, la même hésitation à emplir les bouteilles, les brocs et les bidons à cette fontaine où elle avait bu. Un grand nombre de pèlerins s'étaient mis à manger le long du quai. On entendait les béquilles rythmées d'une femme allant et venant sans fin au milieu des groupes. Par terre, un cul de jatte se traînait péniblement, en quête d'on ne savait quoi. D'autres, assis en tas, ne remuaient plus. Tout ce déballage d'un instant, cet hôpital roulant, vidé là pour une demi-heure, prenait l'air parmi l'agitation ahurie des gens valides, d'une pauvreté et d'une tristesse affreuse, sous la pleine lumière de midi. Pierre ne quittait plus Marie, car M. de Guersin avait disparu, attiré par la verdoyante échappée de paysage qu'on apercevait au bout de la gare. Et le jeune prêtre, inquiet de voir qu'elle n'avait pu achever le bouillon, s'efforçait d'un air souriant de tenter la gourmandise de la malade, en offrant d'aller lui acheter une pêche. Mais elle refusait. Elle souffrait trop. Rien ne lui faisait plaisir. Elle le regardait de ses grands yeux navrés, partagée entre son impatience de cet arrêt qui retardait la guérison possible et sa terreur d'être secouée de nouveau le long de ce dur chemin interminable. Un gros monsieur s'approcha, toucha le bras de Pierre. Il grisonnait, portait toute sa barbe, la face large et paterne. « Pardon, monsieur l'abbé, n'est-ce pas dans ce wagon qu'il y a un malheureux malade à l'agonie ?» Et comme le prêtre répondait affirmativement, il devint tout à fait bonhomme et familier. « Je m'appelle monsieur Vigneron, je suis sous-chef au ministère des Finances, et j'ai demandé un congé pour accompagner, avec ma femme, notre fils Gustave à Lourdes. Le cher enfant met tout son espoir dans la Sainte Vierge, que nous prions pour lui matin et soir. Nous sommes là, dans le wagon qui est avant le vôtre, où nous occupons un compartiment de deuxième classe. » Puis il se retourna, appela son monde d'un geste de la main. « Approchez, approchez, c'est bien là. Le malheureux malade est en effet au plus mal. » Madame Vigneron était petite, le visage long et blême, d'une pauvreté de sang, dans sa correction de bonne bourgeoise, qui reparaissait terrible chez son fils Gustave. Celui-ci, âgé de 15 ans, en paraissait à peine 10, déjeté, d'une maigreur de squelette, la jambe droite anémiée, réduite à rien, ce qui l'obligeait à marcher avec une béquille. Il avait une mince petite figure, un peu de travers, où il ne restait guère que les yeux, mais des yeux de clarté pétillants d'intelligence, affinés par la douleur, voyant sûrement clair jusqu'au fond des âmes. Une vieille dame suivait, le visage empâté, traînant les jambes difficilement, et M. Vigneron, se rappelant qu'il l'avait oublié, revint vers Pierre pour achever la présentation. « Madame Chaise, la sœur aînée de ma femme, qui a voulu aussi accompagner Gustave, qu'elle aime beaucoup. » Et, se penchant, à voix basse, d'un air de confidence, « C'est Madame Chaise, la veuve du marchand de soie, immensément riche. Elle a une maladie de cœur qui lui donne de grandes inquiétudes. » Alors, toute la famille, massée en un groupe, considéra avec une curiosité vive ce qui se passait dans le wagon. Du monde s'attroupait sans cesse, et le père, pour que son fils pût voir, l'éleva un instant dans ses bras, pendant que la tante tenait la béquille et que la mère se haussait, elle aussi, sur la pointe des pieds. Dans le wagon, c'était toujours le même spectacle. L'homme sur son séant, occupant le coin, raidi et la tête contre la dure paroi de chêne. Il était livide, les paupières closes, la bouche tirée par l'agonie, baigné de cette sueur glacée que sœur Hyacinthe épongeait, de temps à autre, avec un linge. Et celle-ci ne parlait plus, ne s'impatientait plus, revenue à sa sérénité, comptant sur le ciel, jetant simplement parfois un coup d'œil le long du quai pour voir si le père Massias n'arrivait pas. « Regarde bien, Gustave !» dit M. Vigneron à son fils. « Ça doit être un phtisique !» L'enfant, que la scrofule rongeait, la hanche dévorée d'un abcès froid, avec un commencement de nécrose des vertèbres, semblait s'intéresser passionnément à cette agonie. Il n'avait pas peur, il souriait d'un sourire infiniment triste. « Oh, c'est affreux !» murmura Madame Chaise, que pâlissait la crainte de la mort, dans sa continuelle terreur d'une crise brusque qui l'emporterait. « Dame !» reprit philosophiquement Monsieur Vigneron, « chacun son tour, nous sommes tous mortels. » Et le sourire de Gustave, alors, prit une sorte de moquerie douloureuse, comme s'il eût entendu d'autres paroles, un souhait inconscient, l'espoir que la vieille tante mourrait avant lui et qu'il hériterait des 500 000 francs promis et que lui-même ne gênerait pas longtemps sa famille. « Mais le parterre !» dit Madame Vigneron à son mari. « Tu te fatigues à le tenir par les jambes !» Elle s'empressa ensuite, ainsi que Madame Chaise, pour éviter toute secousse à l'enfant. Ce pauvre mignon avait besoin d'être tant soigné. À chaque minute, on craignait de le perdre. Le père fut d'avis qu'on ferait mieux de le remonter tout de suite dans le compartiment. Et, comme les deux femmes l'emportaient, il ajouta, très ému, en se tournant de nouveau vers Pierre. « Ah, monsieur l'abbé, si le bon Dieu nous le reprenait, ce serait notre vie qui s'en irait avec lui. » Je ne parle pas de la fortune de sa tante qui passerait à d'autres neveux, et ce serait, n'est-ce pas, contre nature qu'il partît avant elle, surtout dans l'état de santé où elle est. Que voulez-vous? Nous sommes tous entre les mains de la Providence, et nous comptons sur la Sainte Vierge, qui va faire sûrement pour le mieux. » Enfin, Madame de Jonquière, rassurée par le docteur Ferrand, put quitter la Grivotte. Mais elle eut le soin de dire à Pierre « Je meurs de faim, je cours un instant au buffet. Seulement, je vous en prie, si l'atout de ma malade recommence, venez me chercher.